ciel la gamme, vous dites-moi. La lila, j'appelle même esprit en moi. Fila au cassiflé, on belle symphonie. L'on a la qu'à jouer, on belle mélodie. Si ça blanc là, moi déjà allongé. J'ai oublié, au blanc qui poche en qui conseille pour que ça fonctionne.